Chapitre 5 de l'Incarnation. L'Incarnation nous présente le souverain des cieux dans une bergerie, celui qui lance la foudre, entouré de bandelettes de lin, celui que l'univers ne peut contenir, renfermé dans le sein d'une femme. L'Antiquité eût bien su tirer parti de cette merveille. Quels tableaux, Homère et Virgile, ne nous auraient-ils pas laissé de la nativité d'un dieu dans une crèche, des pasteurs accourus au berceau, des mages conduits par une étoile, des anges descendant dans le désert, d'une vierge mère adorant son nouveau-né, et de tout ce mélange d'innocence, d'enchantement et de grandeur. En laissant à part ce que nos mystères ont de direct et de sacré, on pourrait retrouver encore, sous leur voile, les vérités les plus ravissantes de la nature. Ces secrets du ciel, sans parler de leur partie mystique, sont peut-être le type des lois morales et physiques du monde. Cela serait très digne de la gloire de Dieu, et l'on entreverrait alors pourquoi il lui a plu de se manifester dans ces mystères, de préférence à tout autre qu'il eût pu choisir. Jésus-Christ, par exemple, ou le monde moral, prenant naissance dans le sein d'une vierge, nous enseignerait le prodige de la création physique et nous montrerait l'univers se formant dans le sein de l'amour céleste. Les paraboles et les figures de ces mystères seraient ensuite gravées dans chaque objet autour de nous. Partout, en effet, la force naît de la grâce. Le fleuve sort de la fontaine. Le lion est d'abord nourri d'un lait pareil à celui que suce l'agneau. Et parmi les hommes, le Tout-Puissant a promis la gloire du ciel à ceux qui pratiquent les plus humbles vertus, ceux qui ne découvrirent dans la chaste reine des anges que des mystères d'obscurité sont bien à plaindre. Il nous semble qu'on pourrait dire quelque chose d'assez touchant sur cette femme mortelle, devenue une mère immortelle, d'un Dieu rédempteur, sur cette Marie, à la fois vierge et mère, les deux états les plus divins de la femme. Sur cette jeune fille de l'antique Jacob qui vient au secours des misères humaines et sacrifie un fils pour sauver la race de ses pères. Cette tendre médiatrice entre nous et l'Éternel ouvre, avec la douce vertu de son sexe, un cœur plein de pitié à nos tristes confidences et désarme un Dieu irrité. Dogme enchanté qui adoucit la terreur d'un Dieu en interposant la beauté entre notre néant et la majesté divine. Les cantiques de l'Église nous peignent la bienheureuse Marie assise sur un trône de candeur, plus éclatant que la neige. Elle brille sur ce trône comme une rose mystérieuse, ou comme l'étoile du matin, précurseur du soleil de la grâce. Les plus beaux anges la servent, les harpes et les voix célestes forment un concert autour d'elle. On reconnaît dans cette fille des hommes le refuge des pécheurs, la consolation des affligés. Elle ignore les saintes colères du Seigneur. Elle est toute bonté, toute compassion, toute indulgence. Marie est la divinité de l'innocence, de la faiblesse et du malheur. La foule de ses adorateurs dans nos églises se compose de pauvres matelots qu'elle a sauvés du naufrage, de vieux invalides qu'elle a arrachés à la mort, sous le fer des ennemis de la France, de jeunes femmes dont elle a calmé les douleurs. Celles-ci apportent leurs nourrissons devant son image, et le cœur du nouveau-né, qui ne comprend pas encore le Dieu du ciel, comprend déjà cette divine mère qui tient un enfant dans ses bras. Chapitre 6. Les sacrements, le baptême et la confession. Si les mystères accablent l'esprit par leur grandeur, on éprouve une autre sorte d'étonnement, mais qui n'est peut-être pas plus profond, en contemplant les sacrements de l'Église. La connaissance de l'homme civil et moral est renfermée tout entière dans ces institutions. Le baptême, le premier des sacrements que la religion confère à l'homme, selon la parole de l'apôtre, le revêt de Jésus-Christ. Ce sacrement nous rappelle la corruption où nous sommes nés, les entrailles douloureuses qui nous portèrent, les tribulations qui nous attendent dans ce monde. Il nous dit que nos fautes rejailliront sur nos fils, que nous sommes tous solidaires. terrible enseignement qui suffirait seul, s'il était bien médité, pour faire régner la vertu parmi les hommes. Voyez le néophyte debout au milieu des ondes du Jourdain. Le solitaire du rocher verse l'eau lustrale sur sa tête. Le fleuve des patriarches, les chameaux de ses rives, le temple de Jérusalem, les cèdres du Liban paraissent attentifs, ou plutôt regardent ce jeune enfant sur les fontaines sacrées. Une famille pleine de joie l'environne. Elle renonce pour lui au péché. Elle lui donne le nom de son aïeul, qui devient immortel dans cette renaissance perpétuée par l'amour de race en race. Déjà, le père s'empresse de reprendre son fils pour le reporter à une épouse impatiente qui compte sous ses rideaux tous les coups de la cloche baptismale. On entoure le lit maternel. Des pleurs d'attendrissement et de religion coulent de tous les yeux. Le nouveau nom de l'enfant, l'antique nom de son ancêtre, est répété de bouche en bouche, et chacun, mêlant les souvenirs du passé aux joies présentes, croit reconnaître le vieillard dans le nouveau-né qui fait revivre sa mémoire. Tels sont les tableaux que présente le sacrement du baptême. Mais la religion, toujours morale, toujours sérieuse, alors même qu'elle est plus riante, nous montre aussi le fils des rois dans sa pourpre, renonçant aux grandeurs de Satan, à la même piscine où l'enfant du pauvre en haillon vient abjurer des pompes auxquelles pourtant il ne sera point condamné. On trouve dans saint Ambroise une description curieuse de la manière dont s'administrait le sacrement de baptême dans les premiers siècles de l'Église. Le jour choisi pour la cérémonie était le samedi saint. On commençait par toucher les narines et par ouvrir les oreilles du catéchumène, en disant « Epepta, ouvrez-vous ». On le faisait ensuite entrer dans le Saint des Saints. En présence du diacre, du prêtre et de l'évêque, il renonçait aux œuvres du démon. Il se tournait vers l'Occident, image des ténèbres, pour abjurer le monde, et vers l'Orient, symbole de lumière, pour marquer son alliance avec Jésus-Christ. L'évêque faisait alors la bénédiction du bain, dont les eaux, selon saint Ambroise, indiquent les mystères de l'Écriture. La création, le déluge, le passage de la mer Rouge, la nuée, les eaux de Marat, Naaman et le paralytique de la piscine. Les eaux ayant été adoucies par le signe de la croix, on y plongeait trois fois le catéchumène en l'honneur de la Trinité, et en lui enseignant que trois choses rendent témoignage dans le baptême, l'eau, le sang et l'esprit. Au sortir du Saint des Saints, l'évêque faisait à l'homme renouvelé l'onction sur la tête, afin de le sacrer de la race élue et de la nation sacerdotale du Seigneur. Puis, on lui lavait les pieds, on lui mettait des habits blancs, comme un vêtement d'innocence. Après quoi, il recevait, dans le sacrement de confirmation, l'esprit de crainte divine, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de doctrine et de piété. L'évêque prononçait à haute voix les paroles de l'apôtre. « Dieu le Père vous a marqué de son sceau. Jésus-Christ notre Seigneur vous a confirmé. Il a donné à votre cœur les arts du Saint-Esprit. » Le nouveau chrétien marchait alors à l'autel pour y recevoir le pain des anges, en disant « J'entrerai à l'autel du Seigneur, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. » À la vue de l'autel, couvert de vases d'or, de flambeaux, de fleurs, d'étoffes de soie, le néophyte s'écriait avec le prophète « Vous avez préparé une table devant moi. C'est le Seigneur qui me nourrit. Rien ne me manquera. Il m'a établi dans un lieu abondant en pâturage. » La cérémonie se terminait par le sacrifice de la messe. Ce devait être une fête bien auguste que celle où les Ambroise donnaient aux pauvres innocents la place qu'ils refusaient à l'empereur coupable. S'il n'y a pas dans ce premier acte de la vie chrétienne un mélange divin de théologie et de morale, de mystères et de simplicité, rien ne sera jamais divin en religion. Mais, considéré dans une sphère plus élevée et comme figure du mystère de notre rédemption, le baptême est un bain qui rend à l'âme sa vigueur première. On ne peut se rappeler sans regret la beauté des anciens jours, alors que les forêts n'avaient pas assez de silence, les grottes pas assez de profondeur pour les fidèles qui venaient y méditer les mystères. Ces chrétiens primitifs, témoins de la rénovation du monde, étaient occupés de pensées bien différentes de celles qui nous courbent aujourd'hui vers la terre, nous tous, chrétiens vieillis dans le siècle, et non pas dans la foi. En ce temps-là, la sagesse était sur les rochers, dans les antres avec les lions, et les rois allaient consulter le solitaire de la montagne. Jour trop tôt évanoui, il n'y a plus de saint Jean au désert, et l'heureux catéchumène ne sentira plus couler sur lui ces flots du Jourdain qui emportaient aux mers toutes ses souillures. La confession suit le baptême, et l'Église, avec une prudence qu'elle seule possède, a fixé l'époque de la confession à l'âge où l'idée du crime peut être conçue. Il est certain qu'à 7 ans, l'enfant a les notions du bien et du mal. Tous les hommes, les philosophes même, quelles qu'aient été d'ailleurs leurs opinions, ont regardé le sacrement de pénitence comme une des plus fortes barrières contre le vice, et comme le chef-d'œuvre de la sagesse. Que de restitution, de réparation, dit Rousseau, la confession ne fait-elle point faire chez les catholiques? Selon Voltaire, la confession est une chose très excellente, un frein au crime, inventé dans l'Antiquité la plus reculée. On se confessait dans la célébration de tous les anciens mystères. Nous avons imité et sanctifié cette sage coutume. Elle est très bonne pour engager les cœurs ulcérés de haine à pardonner. Sans cette institution salutaire, le coupable tomberait dans le désespoir. Dans quel sein déchargerait-il le poids de son cœur? Serait-ce dans celui d'un ami? Eh, qui peut compter sur l'amitié des hommes? Prendra-t-il les déserts pour confident? Les déserts retentissent toujours pour le crime du bruit de ses trompettes que le parricide Néron croyait ouïr autour du tombeau de sa mère. Quand la nature et les hommes sont impitoyables, il est bien touchant de trouver un Dieu prêt à pardonner. Il n'appartenait qu'à la religion chrétienne d'avoir fait deux sœurs de l'innocence et du repentir.